Cette semaine, le Studio École de France bouleverse ses programmes. De 14h à 18h10, assistez à un déluge d'invités sur Studekweb. Animateurs, réalisateurs et journalistes vont vous faire découvrir des hommes et des femmes du monde des médias. La semaine des invités, c'est du 27 au 31 mars sur Studekweb. Et on est en plein dedans, la semaine des invités, on est avec une équipe de choc. Déjà, on va commencer par vous présenter Gabriel qui est à ma droite. Bonjour Gabriel, Clémentine également, la maman de cette émission. Bonjour Robin, Clémentine. Bonjour à tous. Tu vas bien? Ça va très très bien. Remarquez que je dis juste que Clémentine, si elle va bien, parce que après le reste, je m'en fiche, je rigole. Salut. Et Olivier, notre journaliste, yes. notre âme, celui qui est rigoureux, celui qui travaille le plus dans cette émission. Bonjour Olivier. Salut. Alors comme on l'a dit, c'est une semaine spéciale des invités ici au Studio École de France. Et on a un invité de marque, il s'appelle Pierre-Antoine Damcourt, grand nom de la télévision. Ah, grand oui. nom. Bonjour Pierre-Antoine. Bonjour à tous, comment ça va? Écoute, ça va très bien, ça va. Tu es en forme, tu es content d'être avec nous? Très en forme. Très content de repasser au Studec, puisque c'est une école que je connais très bien. Donc, pas ses locaux, le Studec, voilà, j'ai fait 2 ans donc de promotion au Studec. Ouais. Exactement, entre 2004 et 2006. Olivier va en reparler d'ici quelques minutes. Olivier, c'est le sérieux, c'est ça? C'est ça, Olivier, c'est le journaliste. En fait, c'est très simple. Lunettes, tout le monde ne dirait pas ça, c'est un journaliste. C'est ça. C'est le journaliste avec ses lunettes parce qu'il passe trop de temps devant l'AFP, mais ça, c'est son problème. En tout cas, merci. Nous, on est très contents de te recevoir ici, Pierre-Antoine, excuse-moi. Et donc, Olivier, tu vas commencer par retracer sa vie, son passé, ce qui s'est passé pour devenir un grand homme de télévision. Bah, son portrait, disons, parce qu'il fait absolument ce qui lui plaît. Et nous comptons assurément sur lui pour qu'il nous le démontre. Venir de roi et les fronts prosternés, c'est terminé. Classe, il y en a marre. Bonjour Pierre-Antoine, merci d'avoir répondu à l'appel du Studec et d'être à nos côtés en cette belle après-midi. Allez, question de façade assez inutile, mais elle est censée régir nos rapports sociaux. Donc si je m'interroge sur votre bien-être actuel, Pierre-Antoine, allez, vous allez me répondre à l'expéditif, comme 90% de nos congénères, et nous dire que tout va bien. Ou allez-vous être un brin plus impactant? Tout va bien. Ouais, super, bravo. Bon, alors sans passer par le révérencieux, ni par une petite lucarne, ou que sais-je encore, Pierre-Antoine, je vais aller droit au but. Je dois vous dire que cette chronique fut bel et bien pour moi l'occasion de vous découvrir, ni plus ni moins, et chose aussi inimaginable que véridique, constater qu'on ne peut n'avoir à le malheur que faire du sport, n'avoir jamais allumé la chaîne L'Équipe, et pourtant trouver vos interventions aussi drôles que les thèmes abordés peuvent être dans le fond sérieux, voire même engagés. Et oui, vous nous prouvez que l'humour, ce n'est pas un domaine de rigolo. Pour vous mettre dans le bon mood, Pierre-Antoine, le gugus que vous avez là en face de vous, il ne se remet pas d'une journée harassante en compagnie de Baba sur C8. Non, il ne fait pas ça. Non, il préfère regarder Tam Tran Yu. Vous la connaissez? Non. Ah, c'est ma favorite, c'est l'unique. C'est la présentatrice des questions au gouvernement sur la chaîne publique Sénat. Oui, vous voyez. Un petit bonbon pour le cerveau, alors plein d'endorphines. Bon, à la suite de cette chronique, il risquerait que votre public s'élargisse d'un fidèle de plus. Ça, on va voir ça. En casquette d'animateur, vous officiez donc pour M6 dans La France un incroyable talent et pour la chaîne sportive, donc L'Équipe, chez Greg Hacher avec votre bébé télévisuel, la petite lucarne. Alors qu'on se le dise, Pierre-Antoine, malgré vos dires pour cette émission, on se focus sur vous en tant que créateur de contenu et non sur autre chose. Je suis un hamster. Je suis pas un papa, je suis un hamster. Vous vous rappelez? Oui, je me rappelle. Il fallait courir pour faire tourner le manège de mon fils. C'est ça, sympa. Vous avez mis sur Twitter. Revue donc d'un parcours dont tous à cette table allons apprendre. Alors Pierre-Antoine, pour vous comprendre, apprécier votre parcours pro, par quoi on devrait commencer ce portrait? Par les origines, par la montagne, par Annecy, je pense. On va y arriver. On va y arriver. Donc c'est bien ça. En effet, bien comprendre une personnalité donc qui est sortie du Studec, vous l'avez signalé, c'est savoir que son chemin est vallonné. Et votre enfance est loin, très loin des pots d'échappement ou des poubelles entassées, donc, non. Vous concernant, on est dans la belle France, celle des cimes et des bosses, celle de Jean Ferrat. On parle bien sûr de la Haute-Savoie. La montagne est belle. Baisse le bête et qu'on l'entende. Non, et votre dada de jeune savoyard, il est glissant pour vous et renversant pour d'autres. Ma plume, on a ripé de surprise car oui, votre passion de montagnard, c'est quoi? C'est le ski. Cela vous transcende tant les bosses que vous allez quand même un peu très loin, jusqu'en Coupe de France de ski à bosse. Eh bien, que retenez-vous de cette tranche de vie? Que c'était une passion et que c'est bien de faire ses passions et d'avoir la chance d'avoir des parents qui nous poussent dans notre passion parce que ça prenait beaucoup de temps. Ça faisait 3-4 entraînements par semaine, donc voilà, il faut y aller à fond et vivre sa passion, voilà, important. Et vous les gars, vous avez une passion particulière? Alors moi j'adore le cyclisme, donc on reste dans le sport. Moi je suis fan de cyclisme, de vélo, de course classique. Là en ce moment c'est la période, donc moi j'adore ça, le vélo. Moi c'est la danse. En fait je sais pas très bien danser, mais j'adore faire de la danse. J'adore ça, c'est la petite pépite. Oui mais que chez toi quand et tu danses quoi du coup? Ouais, devant le miroir. Tu danses quoi? Les danses de salon. Ah, la oui, valse, la salsa et tout là. Oh, la grande. Ouais, c'est une danse de salon avec son canapé, c'est différent. Moi c'est le foot, mais je suis loin de faire la Coupe de France, hein, vraiment très loin. On y est loin. Ouais. Bon. Alors ensuite, comme de nombreux Français remplis d'un cartable plein de rêves, votre idée se trouve à plusieurs centaines de kilomètres de là. Vous avez 19 ans, un esprit rebelle. Et hop, on quitte alors les sommets pour la faune. Paname, Paname, on arrive. Moi, ma gueule et mon sac à dos. Paname, Paname, on arrive. Moi, mes rêves et mes chansons. À cette époque-ci, vous avez une idée de génie. C'est quoi, c'est laquelle à l'époque où vous arrivez à Paris? C'est de faire de la radio, voilà, tout simplement. Et de s'inscrire au Studec, donc. Oui, bien sûr. Oui, c'était mon objectif. Et j'ai fait un parcours pour avoir un niveau bac pour pouvoir être pris au Studec en montant à Paris, exactement. Ok, donc vous démarrez vos études au sein du Studec, on l'a vu, en promo 2004. En parallèle de cours de théâtre, on va y revenir. Dites-nous un peu plus sur votre besoin de vous d'identification avec le théâtre. Le théâtre, j'en ai toujours fait depuis mes 12-13 ans. J'ai fait beaucoup d'impro, donc ouais, des petits cours de théâtre à Paris qui m'ont permis de passer quelques castings et de jouer dans quelques séries parallèlement au Studec. C'était assez marrant. Ok, bon, on verra la suite avec les premières expériences après. Bah écoute, Olivier, merci pour ce portrait que tu as si bien dressé, un portrait très plaisant, parce que moi j'aimerais bien avoir le même parcours jusqu'à maintenant, c'est pas le cas. Mais en tout cas, dans un instant, on va jouer avec Gabriel, il a un jeu spécial foot, c'est pour des sportifs de canapé. Vraiment. Très bien. Tu verras. Clémentine aussi, elle a des infos insolites apparemment sur toi. Ouais, j'ai aussi mené mon enquête pour trouver quelques infos sur toi, et ça sera dans moins de 5 minutes. J'ai peur. Mais sans jamais devoir attendre. Tu sais, j'ai des choses à prouver. Parfois le réveil est violent. Et voilà, je me suis plantée. Moi qui voulais pas redescendre. Comme un lendemain de soirée. C'est comme ça qu'on apprend vraiment. On veut plaire, moi la première, évidemment. Des fois j'y arrive, souvent je me trompe, donc je recommence et puis j'apprends. Des fois j'oublie d'être moi-même, mais finalement je finis par le payer. Je finis par oublier. Sa place au sommet sans vouloir attendre. On pense que évidemment tu vas tomber, faudra te relever. On perd, on revient, on se lève, on reprend. On pense que évidemment si c'était facile, ça saurait. Évidemment tu vas tomber, faudra te relever. On pense que j'étais krillin, j'ai commencé, j'étais nul. J'ai mis 20 ans pour plus être un perdant. Je peux le redevenir en moins d'une minute. La route est longue, elle est sinueuse. Tu vas tomber, faudra se relever. Vie rapide, tu seras plus vite, vieux. Le secret, c'est qu'il n'y a pas de secret. Y aura des requins, des démons, des sirènes. Y aura des fautes, des trahisons, des migraines. Oublie les soirées, jours fériés, les week-ends. Ils t'haïront pour les mêmes raisons qu'ils t'aiment. Y a pas de cheat code, crois pas leur arnaque. Que du travail, un peu de chance et du karma. Même le bonheur, c'est sympa, mais c'est pas stable. C'est juste une pause entre deux trucs qui se passent mal. Évidemment, tout le monde veut sa place au sommet sans vouloir attendre. On pense que évidemment, tu vas tomber, faudra te relever. On perd, on revient, on se lève, on reprend. On pense que évidemment, si c'était facile, ça saurait. La semaine des invités, c'est sûr. Tu vas tomber, faudra te relever. Vous écoutez la semaine. Évidemment. Évidemment. On voit juste la ligne d'arrivée. On voit jamais les obstacles qui viennent avant. Et la patience nous a quittés. On voit jamais l'effort et les conséquences. Évidemment, évidemment. Tout le monde veut sa place au sommet sans vouloir attendre. On pense que évidemment, évidemment. Tu vas tomber, faudra te relever. On perd, on revient, on se lève, on reprend. On pense que évidemment. Si c'était facile, ça saurait. Évidemment. Tu vas tomber, faudra te relever. On pense que évidemment. Évidemment. Évidemment. Aurel Orelsan avec Angèle sur le titre évidemment. À l'écoute de Studek Web toute l'après-midi. Vous écoutez la semaine des invités sur Studek Web. Allez, on continue toute l'après-midi, il est 15h10, on est jeudi, on est avec un invité de marque pour la semaine spéciale des invités, donc Pierre-Antoine Damecourt, qui s'est présenté grâce notamment à la petite chronique d'Olivier qui était très très très, comment dire, très, j'ai pas les mots, enrichissante, merci beaucoup. Donc pour résumer, Pierre-Antoine Damecourt qui est animateur de télé donc sur la chaîne L'Équipe, qui est également présentateur pour La France, un incroyable talent de la suite, et... aussi spécialisé dans le sport, dans l'improvisation. Et donc, on a un jeu pour lui dans moins de 5 minutes. Mais avant ça, Clémentine, a trouvé des petites infos insolites sur toi. Même toi, apparemment, tu ne serais pas au courant, à toi de nous dire. C'est vrai ? Alors, vous ne me connaissez pas, mais moi, je me suis renseignée sur vous. Et juste avant, on a eu le droit à un portrait riche en infos utiles sur vous, Pierre-Antoine Damecourt. Et là, je me suis permis de mener mon enquête. J'ai fouillé votre Instagram, votre Twitter, votre Facebook. Franchement, je suis digne d'une agent de la CIA. Je ne comprends pas pourquoi ils ne m'ont pas encore embauchée. J'envoie le CV. Là, ça. Let's go. Par exemple, je sais que vous venez de Haute-Savoie, si je ne me trompe pas, et que vous pratiquez le ski de boss jusqu'en Coupe de France et le ski tout court à Clusaz. La Clusaz. L'erreur. Oh, c'est la seule station où les forfaits sont à plus de 100 balles. Exactement. Ah ouais. Et je sais, comme vous l'avez dit tout à l'heure, que vous avez fait le Studek. Exactement. Et j'ai appris que vous avez joué aussi dans des bars parisiens et je suis certaine que ce n'était pas de la guitare, mais du pipeau. Ouais. Et oui, je parle de vous comme si vous n'étiez pas là, mais franchement, moi, ça me fait rire, en soi, vraiment. Et j'ai vu que vous aimez bien aussi la course à pied, surtout sous la pluie, dans Paris, en faisant un selfie avec les doigts levés en face de la Tour Eiffel, avec comme description, éco-trail, 31 km, trop content d'avoir booké mon premier trail. Il y a quand même encore du boulot, mais ambiance au top. Bon, on comprend vite que vous n'êtes pas juste venu là-bas juste pour faire de la course. Hein. Mais j'ai vu aussi que vous étiez allé à Londres, mais en combinaison d'astronaute en mode Thomas Pesquet de Wish. Excusez-moi de vous le dire, mais exactement. Carnaval, c'est passé, quoi. Enfin, ouais, je sais. Pourquoi cette tenue, moi, je me pose la question. C'était pourquoi ? C'était un défi qui nous avait été lancé par la Fédération Française de la Loose. Et c'était, vous savez, le pénalty d'Harry Kane qui est parti dans l'espace. Ouais. Enfin, tout le monde a dit que la balle était partie dans l'espace. Donc, je me suis habillé en cosmonaute avec une pancarte marquée « Hey, Harry Kane, j'ai retrouvé ton ballon oh, ». C'est très drôle. C'est bon, on s'est baladé sur les bus à Impérial dans tout Londres avec cette pancarte. Et les gens te détestaient ou ça va ? Non, ça va, ils se marraient. Bon, bah, les Anglais ont de l'humour, ça va. Bon, ça va, c'était bénef. Mais ça n'empêche que vous pesez dans le game, comme diraient les gens. Vous êtes certifié sur Twitter. Incroyable. Bon, après, j'ai un doute, mais est-ce que vous avez payé Elon Musk avec l'abonnement ou est-ce que ça s'est fait J'ai payé normal. Pour un mois. Et alors, je me refusais à payer, mais en fait, je devais publier une vidéo de plus de 2 minutes 20. Un sketch. Okay. Ah ouais. Et en fait, pour publier cette vidéo, on doit payer. Donc, j'ai payé pour cette vidéo. Et donc, je pense que je vais être décertifié puisque j'ai payé que pour un mois, mais en fait on s'en fout puisque maintenant même des mecs qui ont 10 followers sont certifiés, donc ça ne veut plus rien dire. En vrai, je suis certifié. Bientôt avec Orange, il y aura un forfait Amazon Prime, Netflix et la certification Twitter. Évidemment. Et j'ai vu que vous comparez les hommes politiques sur Twitter à des oiseaux migrateurs du style oh, le gars c'est un oiseau migrateur, il revient avec le printemps, en parlant d'Emmanuel Valls, c'est ça, c'est drôle. Ouais, mais je parle pas comme ça par contre quand je tweete. Non, ça va, non. Je parle pas comme ça. C'est ma petite imitation. Ah, mais c'est très bien. J'aime bien. Et vous êtes aussi ce genre de personne qui ne connaît pas les parkings, apparemment, de ce que j'ai vu. Oui, on a tous vu la photo du scooter dans le kebab. C'était pas le mien. C'était pas le vôtre. Ah, bon, bah, ça me rassure. Il y a toujours un scooter dans les arrières, salles des restaurants de kebab. Sinon, c'est pas un vrai kebab. Sans oublier votre humanité, tout simplement, votre grand cœur. Car vous allez, souvent apparemment faire le don du sang, chose que je ne pourrais jamais faire parce qu'à tout moment je tape mon meilleur malaise à la vue du sang. C'est sûr. Mais autour de la table, est-ce que vous avez déjà fait le don du sang ? Oui. Non. Ah, moi je trouve ça tellement bon bail. Déjà d'une, c'est pour une bonne cause, et de deux, tu manges comme un gros porc après. Ça c'est vrai. Et je tiens à rappeler que si vous avez l'occasion de faire le don du sang, ou si vous le pouvez, tout simplement, faites-le parce que c'est important. Et je me suis également posé quelques questions du genre, est-ce que vous êtes un homme ou une femme ? On ne sait pas vraiment, surtout après la photo que vous avez postée il y a quelques mois de ça sur Twitter en vous, homme vs femme, qui est qui ? Mais j'ai enfin eu la réponse. En fait, vous êtes l'homme qui me fait mourir de rire avec vos parodies sur la chaîne L'Équipe et l'un des hommes que j'admire le plus après mon papa. Oh, carrément, voilà. Ouais, c'est gentil. Ça, c'est touchant. C'est la réalité. Et j'étais un homme, évidemment, sur la photo. Et ouais. Bon, ça nous rassure. Merci. parce que j'avais peut-être envie de te pécho, mais bon, malheureusement, tu me dégoûtes un petit peu. Ah, voilà, ça y est, c'est fini. C'est fini, on va s'arrêter là. Non, okay. On va continuer parce que tu nous as dit que tu étais assez spécialisé dans le sport. Et enfin, toi, tu m'as dit ton métier jeu. Et c'est ce que je t'ai dit. Ah, donc, on a un jeu spécial sport et c'est Gabriel qui nous le présente. Bah ouais, Gabi sort ses fiches. Alors, je sais que t'es plutôt axé humour dans tes chroniques sportives. Gabriel. Et ouais, c'est comme tu ça. Tu voles mon esprit, mon amour, ma vie. Voilà. C'est ça la part du monde. C'est ça son jingle, il aurait fallu faire un jingle Johnny Hallyday. J'attends ça depuis longtemps, personne ne veut me le faire. Je te le fais après, dès la coupure, je te le fais. T'enregistres ça pour moi ? Ouais. Oh, fini pour moi. Magnifique, c'est bon, c'est enregistré. L'imitation de fou. Parti. Donc t'es plutôt axé sur l'humour, mais je me dis, le Pierre-Antoine, il a quand même quelques petites connaissances, tu vois. Comme tu le faisais sur le Gorafi, tu t'inspirais de papiers sérieux publiés dans le journal Le Monde pour pouvoir faire tes infos satiriques. Donc pour rire de quelque chose, faut tout d'abord la connaître, cette chose. Allez. Est-ce que tu le sens venir ? Allez, bah oui, t'inquiète, tu vas me piéger, il n'y a pas de souci. Non, je vais diffuser des extraits cultes dans le sport et ce sera à toi de me dire d'où proviennent-ils. D'accord, parfait. T'es prêt ? J'adore. Est-ce que c'est bon pour le premier extrait ? On y va. Allez. Oh, c'est dur, record du monde, il y en a eu des milliers. Record du monde. Je peux le réécouter ? Ouais, là c'est culte. Je vais tout analyser. Ah. Ouais, il faut qu'on l'aime. Je peux le faire. Va recharger l'extrait. Non, mais il faut remettre la cassette. Rembobine, dans rembobine. Rembobine. C'est dans l'athlétisme. J'ai fait exprès pour te piéger. Alors, je dirais Patrick Montel. Non. Pas Patrick Montel. Non, si je te dis 100 mètres, athlétisme. Ok, ok. C'est pas Patrick Montel qui commente. Non, ce n'est pas. Ah, en commentateur. Ouais, bah oui, c'est pas lui qui court. Oui, oui, eh oui, record du monde de Patrick Montel devant Usain Bolt. Je dirais record du monde de Usain Bolt. Exactement. Et Athènes. Oui, c'est le premier extrait ce soir-là au championnat du monde de Berlin en 2009. Usain Bolt devient l'homme le plus rapide du monde, 9 secondes 58. Pour remporter le championnat, il bat son précédent record de 9 secondes 69. Est-ce que t'es prêt pour le deuxième extrait ? Allez, on y va. C'est parti. Champion olympique Florent Manaudou, 50 mètres nage libre. Exactement. Attends. Oui. Je dirais. Là, je peux peut-être. Alors, je peux peut-être me planter. Pékin. Londres. Exactement. Ah. Et ouais, sous les yeux ébahis de sa sœur Laure, Florent devient champion olympique, comme tu l'as dit, 50 mètres nage libre, le 3 août 2012, aux Jeux Olympiques. Et il sera là. T'imagines, 14 ans plus tard, il fera les JO de Paris. C'est un truc de ouf. Ça, c'est magnifique. Ouais. Après avoir fait du hand et tout, le gars, il est. Et je le suis sur TikTok, il fait beaucoup de petites vidéos, il montre ses entraînements, etc. Ouais. Même aux États-Unis, aux US. Ah, mais il est fort. Hein. Épouse à Miami. Heureusement qu'il est fort, il a quand même battu le record du monde. Bah oui, quand même, heureusement, oui. Et on est parti pour le troisième extrait. Ah, je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. Alors peut-être. Le relais, 4x400, championnat d'Europe. C'était ouais championnat d'Europe, ouais. Et donc c'est les filles qui ont c'est Flora Floria Gay, incroyable, qui a fait une remontée exceptionnelle et ça me fout encore les poils rien que de l'écouter. Ouais, même si Patrick Montel avait dit que c'était mort et elles sont revenues, et c'est ça qui est beau dans le sport, ne jamais rien lâcher. Exactement. C'est vrai, quand je regardais l'extrait, je me disais mais c'est pas possible. Ouais, c'est et sa dernière ligne droite est complètement folle. Ça s'est passé en 2014 à Zurich, comme tu l'as dit, championnat d'Europe, et elles sont championnes d'Europe un peu, on peut le dire, grâce à Floria. T'as dit d'Europe. Merci. D'Europe. D'Europe. Championne d'Europe. C'est son côté de Johnny aussi qui ressort. Ouais, oh. Et on est parti pour le quatrième extrait. Il se met à l'intérieur, il fait de la récupération d'énergie pour essayer de sortir de la parabolique. Elle est presque là, cette victoire. Accélère. Ah ouais, oui, classique. Il fallait la chercher, ne lâche pas la victoire. Oui. Il est fou. Eh bien, c'est de la F1, évidemment. Ouais. Et c'était la saison dernière, non? Ou il y a 2 ans? Il y a 2 ans, ouais. C'était exceptionnel. Le pilote, c'était un Français. Exactement. Voilà. Exactement. Et c'est pour ça. Et c'était, comment il s'appelle? Putain, je suis nul en Formule 1. C'était, Jean Alési. C'était Pierre Gasly. Évidemment, puisque Jean Alési est à la retraite depuis 20 ans. Je ne connais que lui. C'est ça qui faisait de la formule électrique sur l'équipe. Hein. Ouais, c'est ça. Mais ça fait pas le même bruit. Hein. Quand tu regardes, ça fait. Là encore, c'est qu'il est en panne. Normalement, c'est silencieux. Là, il y a un problème. Là. C'était le 6 septembre 2020, donc tu l'as dit, il y a 2 ans de cela, pour la première fois depuis 1996, après Olivier Paris, un Français remporte un Grand Prix de Formule 1. C'était Pierre Gasly avec AlphaTauri au Grand Prix d'Italie. On est parti pour le dernier extrait. Normalement, allez. C'est facile, c'est culte. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Alors Thierry Roland. qui nous manque, Thierry Roland. Ouais, c'est vrai. 12 juillet 98. Vous n'étiez pas né. Qui était né? Non. Je n'étais pas né du tout. Vous avez raté la meilleure finale de Coupe du Monde. Ah, pour rester sur l'équipe, moi je l'ai vu en replay pendant le confinement. Oui, parce qu'on a pendant le confinement, on a passé tous les replays de tous les matchs de foot. Mais c'est un délire de revoir quand même. Quelques années plus tard, 3-0 contre le Brésil, tu l'as dit, 12 juillet 1998. Ouais, je me souviens, j'avais 12 ans, je crois. J'étais chez mes grands-parents. Et vous savez, tout ce qu'on veut voir, c'est quand ils soulèvent la coupe. Ouais. Sauf que j'étais avec mon grand-père. Et au coup de sifflet final, je vous assure, mon grand-père, moi je jouais avec une envie, c'était de faire la fête. Bien il sûr. A pris la télécommande, il a éteint. Et il a dit, allez. Oui. Oh non. Oh la frustration. Et donc j'ai dû aller me coucher. Il m'a dit ah, et je dis papy la coupe. Il m'a dit ah, tu verras ça demain au journal de 13h. J'étais dans mon lit comme ça et j'entendais les klaxons dehors et j'étais là putain j'ai raté ça. Mais sauf qu'il n'y avait pas YouTube pour remémorer ce moment. Il y avait Minitel à l'époque, tu faisais 36-15, j'ai raté là, mais ça marchait pas. Vous après. En tout cas, merci Gabriel. Moi je pense aussi à tous les ingé-sons derrière leur casque parce que tout le monde hurlait dans tes chroniques. Ouais, c'est chroniques. Un truc de fou. Hein. En tout cas, c'est le sport, ça fait hurler. C'est sûr, ouais, c'est ça vrai. Fait vivre des émotions et Olivier va nous faire vivre aussi également des petites émotions là juste après. On revient juste après Kill Bill. SZA sur Studek Web. ZA sur Studek Web. Let's go. La semaine des invités, c'est sur Studek Web. Allez, de retour sur Studek Web, il est 15h24 exactement. On continue avec notre équipe de choc, Clémentine, Gabriel, Olivier et surtout notre invité de marque, et Pierre, Antoine, ouais. Damcourt. Ça se passe bien pour l'instant? Très bien, j'ai de l'eau et c'est plus j'ai important. De l'oxygène, donc tout va bien. On respire. Je suis tout ce qu'il faut. Hein. Je suis en vie, comme dirait Céline Dion. En captivité dans le Drucker, là, c'est merveilleux. Dans un instant, les amis, on parlait de foot, on parlait de Coupe du Monde. Free from Desire de Gala, ça va arriver. La songe, je l'adore. Moi, ça me rappelle des petits souvenirs. Un peu mélancolique, parce que malheureusement, on ne l'a pas gagné cette Coupe du Monde. Mais bon, on se l'écoutera dans moins de 5 minutes. Mais avant ça, je vous l'ai promis, Olivier et son fameux portrait, le portrait de... C'est pas le mien, c'est... Oui. Oui, le portrait de Pierre-Antoine Damcourt. C'est vous qui l'avez écrit. Effectivement, a priori, c'est vrai. Alors donc, revenons à celui-ci, à ce parcours, à votre vingtaine sonnante, trébuchante, malgré des excès de soirée, de substances et d'amour. Votre travail théâtral, lui aussi, porte ses fruits, a priori. Un temps durant, vous allez même jouer le rôle d'Adam dans un court-métrage. Et la question qui se pose, c'est n'y a-t-il que le format, qui soit court, ou le milieu de la comédie, se révèle plus compliqué qu'il n'y paraît à l'époque, Pierre-Antoine ? C'était difficile parce qu'il fallait passer des castings et attendre des heures et être déçu parce que forcément il y a qu'une place. Donc et manger des pâtes parce que voilà, on n'avait pas beaucoup, j'avais pas beaucoup de sous, fallait faire les heures d'intermittent. J'ai même fait le Père Noël aux Galeries Lafayette, tu vois, pour avoir mes heures. Donc j'étais le Père Noël des Galeries Lafayette. La classe, ça, c'est la classe. Ouais. Sur le CV, c'est encore marqué, non? Je vais le rajouter, je pense. Moi, je mettrais même la photo du Père Noël, carrément. Bien sûr. Bon, alors, et que quoi que soit l'importance finalement de la comédie à cette époque-ci, l'avenir va clairement vous faire réaliser que oui, ça a compté autant. Vous aviez visé juste d'ailleurs en combinant l'apprentissage des médias au sein du Studec et les cours de théâtre justement, puisqu'au final, votre parcours professionnel, eh bien, sera justement la combinaison de ces deux secteurs a priori. Hein. C'est fou quand même d'ailleurs de savoir qu'à 20 ans, 19-20 ans, Pierre-Antoine, consciemment ou non, votre choix de vie était déjà connu a priori. Est-ce que c'est vrai lorsque je dis ça? Oui, bah après, j'aurais si ça avait pas marché, j'aurais fait autre chose. Hein, y a pas de problème. T'es quoi a priori? Je sais pas. J'aurais pu retourner dans les Alpes et être moniteur de ski, ouais. Des trucs un peu en nature ou avec les enfants, animateur ou des choses comme ça. J'ai appris un truc de ouf par rapport aux moniteurs de ski, c'est à eux de payer leur combinaison. J'ai appris ça il y a longtemps. Ouais, mais après, elle dure longtemps, c'est de la bonne qualité. Donc ah oui, c'est de la bonne qualité. Mais le mec m'avait dit, c'est un moniteur de ski, ça coûte à peu près 500-600 balles. Donc, et moi, ça m'a déchauffé. Ah, c'est pas donné, hein. Romain et toi, tu as trouvé ta voie, a priori, aujourd'hui, à 20 ans, à ton âge? Moi, écoute, ma voix, je ne sais pas si ça sera celle du futur, mais j'aimerais bien continuer dans la radio, dans le monde médiatique. Est-ce que tu dois payer ton casque quand tu es au Studec? Alors oui. Écoute. Ah, oui. Oui, on doit payer le casque. Oui, on doit payer le casque. Mais attends, je te montre l'état de mon casque si tu veux. À l'époque, Romain est en deux parties. Hein, ouais, c'est en deux parties. C'est l'image de Romain. Chacun vient avec son casque, mais je crois qu'à l'époque où j'étais là, c'était pareil. Ok, en 2012, vous travaillez donc pour Guillaume Play chez Énergie, puis même combat avec un certain méconnu, Hanouna. Bon, vous êtes alors un auteur. Aidez-nous d'ailleurs, Pierre-Antoine, c'est quoi un auteur? C'est d'abord un journaliste, d'abord un humoriste, ensuite un animateur et surtout quelqu'un qui suit scrupuleusement la ligne éditoriale de son média, c'est quoi? Non, un auteur, c'est quelqu'un de créatif, je pense, avant tout, et qui s'intéresse à un peu ce qui se passe autour de lui pour écrire des vannes, des sketchs, des jeux, des happenings, des interviews, pour les invités, pour soi. Et ouais, je pense que c'est le métier d'auteur et dans l'ombre en France, pas mal, mais il y en a plein, il y en a qui écrivent pour beaucoup de chroniqueurs et d'humoristes, donc c'est un métier qui mérite d'être un peu plus mis en lumière. Alors, pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi le secret pour faire une bonne vanne? Une bonne vanne, c'est déjà il y a pas de secret. Il faut sentir l'actu, prendre une actu, essayer de la retourner, de trouver des ressorts comiques. De toute façon, il y a des ressorts comiques. Il y en a pas mille. Hein. Il y en a une trentaine quoi. Tu fais une parodie, tu fais un sketch, tu fais un détournement, tu fais un doublage, tu fais voilà. Donc et après c'est au feeling quoi. C'est trouver le bon degré de vanne et. Et voilà, je pense qu'il n'y a pas de secret, c'est un peu au feeling et ce qu'on a dans la tête, quoi. Est-ce que tu peux dire que l'humour, il y a 10 ans, est totalement différent de celui qu'on a maintenant? Non, je crois pas. Je crois que ça évolue, ça revient, ça repart. Il y a de l'humour, non. Après, on s'auto-censure un peu parce qu'avec les réseaux, tout ça, machin, on a peur maintenant d'aller un peu trop loin, ce qui est un peu dommage, mais je pense pas que l'humour change. Je pense que le temps change, les générations, tout ça, mais nous, non. Ok, merci beaucoup en tout cas pour cette belle réponse. Ah, écoute, en tout cas, ce qui ne change pas, je vous l'ai promis, c'est Free From Desire de Gala. Et ça, c'est sûr. Si tu découvres, quel son? Moi, j'adore. J'adore. Ah oui, Pierre-Antoine, tu l'aimes ou pas ce son? Elle m'a saoulé. C'est vrai. Mais je vais l'écouter avec plaisir. Ok, et ben, franchement, excusez-nous le label. Hein. Vraiment désolé. Hein. Free From Desire, Gala. He's got his strong beliefs. My lover's got no power. He's got his strong beliefs. My lover's got no fame. He's got his strong beliefs. My lover's got no money. He's got his strong beliefs. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for. One more and more people just want more and more freedom and love. What he's looking for. From desire, mind and senses purified, freed from desire. Mind and senses purified, freed from desire. Na, na, na. From Desire, et franchement, vous êtes vraiment gentil avec moi parce que j'arrive pas à le prononcer depuis tout à l'heure et vous me faites aucun reproche. Allez, écoutez Studek Web. Vous écoutez la semaine des invités sur Studek Web. Allez, on continue hein, toute l'après-midi. Il est exactement 15h32 et nous, cet après-midi, on a un invité de marque, Pierre-Antoine Damecourt. On a fait un jeu là tout à l'heure et j'ai proposé aussi un autre jeu, jeu d'improvisation parce que apparemment tu es spécialiste dans l'improvisation. T'en as fait métier. Et donc ça t'a dit un petit jeu d'impro là. Allez, allons-y. Bah évidemment. Alors écoutez, vous pouvez jouer aussi également avec nous, vous qui nous écoutez. Le jeu il est très simple. C'est un peu le jeu de l'impro avec. Je donne une syllabe typiquement. Olivier qui est à ma gauche va donner une deuxième syllabe et Clémentine qui est à ma gauche, donc à la gauche d'Olivier, doit inventer une définition par rapport à ce mot-là. Je donne un exemple. Imaginez, je dis taïré. Donc Clémentine, tu vas donner une définition du mot taïré. Ok, pour moi, taïré, ce serait un problème au niveau de la gorge. Ah ouais. Ça fait chier, j'ai un taïré. Un peu la voix, tu sais, genre, oh putain, merde, j'ai une taïré, c'est chiant. Masculin, féminin ou masculin? Une taïré ou un taïré? Une taïré. Les petits mots féminins, on aime bien aussi. Maintenant, j'ai une taïré, super. Faut pas prononcer, se tromper de lettre, Ouais. Entre le T et le D, hein, mais bon. Ah ouais. Alors Clémentine, tu as compris le concept, donc vas-y, je te lance, à toi de donner une première syllabe, Gabriel va enchaîner, et donc Pierre-Antoine, à toi de donner la définition, juste après. L'eau. Bi. Ah mais ça existe, hein. Ouais, ça existe. Ah ouais. Bon allez, je vais changer. Lomi, voilà. Lomi, ah oui, le lomi, c'est une pâte. Tu connais, ouais, le lomi, c'est une pâte, c'est une pâte à la cacahuète et au piment d'Espelette. Exactement. Et à la sardine. Et oui. Et c'est portugais. Et en fait, le lomi, tu le mets au petit déj, donc sur une tartine, et tu te rends dans le café, et c'est dégueulasse. Les nutriments, ils sont bons ou pas? Ouais, Nutri-Score A. Mais non. Par contre, attention, il y a du lomi pourri, il y a du lomi pas mal, donc ne vous trompez pas. Le lomi bio, du coup. Le lomi bio. Voilà. On y pense. Est-ce que t'as une dernière syllabe à nous proposer? Pile. L'anon. Pile à non, Olivier. Répilanon, du coup? Non, pilanon, le mot. Le pilanon. Une partie du poulet, un petit os de poulet. C'est pas mal. Ouais. C'est pas mal. C'est pas mal. Et du coup, c'est quoi comme partie? C'est à côté du pilon, quoi. Bah oui. Le pilon. Petit truc, là. C'est pas mal, le pilanon. Mais écoutez, vous aussi, hein, si vous voulez jouer avec nous, j'ai pas déjeuné. N'hésitez pas à nous proposer des mots directement sur notre compte Instagram Studio École de France et on donnera des définitions après. Courez, avec grand plaisir, les amis. Pierre-Antoine, dis-moi, tu nous as dit que tu faisais du ski. Oui. Tu avais fait du ski, tu sais encore ski, on en parlait là. Je vais vous faire une démonstration ici oui, même. C'est parti. Ouais. Écoute, on a récupéré les canons à neige des Émirats Arabes Unis, c'est les plus puissants du monde. Non, je rigole bien entendu. Écoute, est-ce que t'as par exemple un souvenir de ski? Un souvenir, une rencontre par hasard? Bah oui, souvenir, c'est en 92, Edgar Gros-Piron, champion olympique. Voilà, Albertville, j'étais là, j'avais 10 ans. Les gars, c'est plus son âge, j'avais 8 ans. Ok. Voilà, et j'ai vu Edgar pour la première fois, et voilà, c'était un très très beau souvenir. Il y a Silviano Marchion qui est dans les locaux, qui est dans le studio. Il faut que je vous raconte une histoire avec Sylvie. Écoute-nous. On veut entendre cette histoire. J'étais au studio École de France, donc on était en deuxième année, je crois. Et il y avait un examen blanc, donc c'était un peu le gros stress. Truc, quoi. Le stress de l'examen blanc, tout ça, ça tombait un vendredi. Et on parlait de ski, justement. Et moi, je suis un peu tête en l'air et je note rien dans mon agenda. J'avais rien du tout. Et j'avais complètement oublié qu'il y avait un examen blanc ce vendredi-là. Et donc, le jeudi soir, je pars à Annecy. Mmh. Tranquille, le vendredi matin, je monte à la Clusa, je suis sur les pistes, tranquille. La belle vie, nickel. Je me dis, bah, super beau temps, belle neige, on est bien et tout. Et puis là, à 9h20, je vois mon téléphone comme ça. Je fais, tiens, Silviano Marchion, pourquoi il m'appelle? Bizarre, il doit vouloir me proposer un stage, c'est super. Donc je décroche, évidemment, oui, Silviano. Et il était furieux. Il me dit, Pierre-Antoine, vous êtes où là? Et je sens à sa voix que si je réponds, je suis sur le télésiège à la Clusa en train de faire du ski, ça va pas aller. Et donc, tout me revient d'un coup et je suis, oh putain, l'examen blanc et tout, machin. Et donc, il y avait du vent, le télésiège bougeait, il y avait les copains et tout autour qui se marraient. Et je fais, je suis dans mon lit, là, ça va pas du tout. Et on entendait le télésiège qui passait les pilotes, ça faisait... et voilà, et donc je crois que c'est passé. J'ai dû repasser l'examen blanc derrière, voilà, Silviano. 20 ans après, j'avoue, j'étais au ski. Voilà, c'est dit. Monsieur, est-ce que vous estimez qu'il mérite quand même son diplôme ou pas? Ah bon? Est-ce que vous estimez qu'il mérite quand même son diplôme? Oui. Incontestablement, oui. Ça va, bon, avec du talent, tant mieux, il y avait... tant mieux. Tout ça, c'est des anecdotes de formation. Ça se passe pas toujours comme on veut. C'est sûr. Mais on est resté en bonne relation. Exactement. Bon, bah, parfait. On rappelle que Monsieur Marchion est le directeur du studio École de France, qui était aussi le directeur à l'époque, lorsque Pierre-Antoine était élève à ce moment-là. Exactement. Du Studec. Et sinon, Pierre-Antoine, je suis désolé, je vais revenir sur le ski parce qu'on adore le ski. Vas-y. On a un invité au téléphone avec nous. Ouais. Bonjour, mon ami. Est-ce que tu nous entends? Oui, tout à fait. Bonjour. Oh alors, non! Est-ce que Pierre-Antoine, tu l'as reconnu tout de suite, évidemment? C'était le but du jeu. Alors, je te présente. Comment je vous présente? Comment Fabien. Vous avez fait? C'est incroyable. Fabien, donc, qui est ton ancien prof de ski, c'est bien ça? C'est Catane. C'est le coach. Exactement. C'est le meilleur coach. Le meilleur coach? Pourquoi c'était le meilleur coach? Bien, et toi, Pierre? Nickel. Alors oui, on a réussi à le contacter grâce à l'ESF de la Clusa et il nous a dit j'étais disponible avec grand plaisir, je voulais discuter du coup avec Pierre-Antoine. Et donc aujourd'hui, Fabien, tu nous disais que tu es paysagiste, il a totalement arrêté son métier. C'est ça? Ouais, tout à fait, ça fait 2 ans là, j'ai arrêté complètement mon activité d'entraîneur de ski pour me consacrer maintenant à ma deuxième activité de paysagiste, qui est complètement différente mais qui est sympa aussi. Bah alors, tu m'étonnes, et Fabien c'est... personne très importante dans ma vie parce que c'était un coach. En fait, quand on est adolescent, c'est un peu un modèle, quoi. C'est en plus Fabien, il était en équipe de France de ski de bosse, donc il a fait des coupes d'Europe, il avait un super niveau. Donc pour nous, on était tous là. Il avait les cheveux longs, il écoutait The Offspring à Donf dans le camion quand il nous emmenait en course. C'était le vrai modèle de jeunesse. Ouais, grave. Donc et puis il m'a appris à faire du ski de bosse comme un peu avec son style de jeune chien fou, quoi. Est-ce que par hasard... Bon, oui, Fabien, je t'écoute. Hein, dis-moi. Il était bon en plus, Pierre. Il avait persévéré un peu plus longtemps, je pense que ça aurait pu aboutir. Hein. Bon, après, c'est la vie qui en a décidé autrement, mais... C'est assez gentil. Et puis, c'est que je pense que le sport aussi a tourné plus vers le freestyle. Ouais, on est d'accord. Vers le big air, le half pipe et les trucs un peu plus c'est vrai que le ski de boss était moins médiatisé, donc c'est vrai qu'à la Clusa on allait moins faire des courses de boss, mais je crois que maintenant ils y retournent un peu. Donc c'est bien, comme quoi on revient à la base. Exactement. Ouais. Donc on parlait également de Candide Tovex, qui était également un de vos élèves, du coup je suppose, Fabien. Bah ouais. Oui, tout à fait. Et du coup lui par contre, il a continué sa carrière dans le ski de boss aujourd'hui. Je crois qu'il a continué, Candide. Hein. Je crois qu'il a continué. il a continué quelques années quand même. Bah, il est quand même trois fois médaille, je te l'apprends peut-être Fabien, et toi aussi Pierre-Antoine, trois fois médaille de France, médaille d'or en équipe de France. Non, alors médaille d'or en équipe de France, ça ne veut rien dire. Mais excuse-moi, non, il a gagné l'X Games, il a été champion du monde de freeride, il a, et puis pour nous tous de grandir avec un gars qui était, enfin Fab, il va pas me dire le contre, enfin il avait un niveau hors norme quoi, donc ça nous poussait vers, on disait putain, et Candide il a déjà fait un 1080, et nous on était là, donc 1080 c'est trois tours, et nous on était en train d'essayer de faire des 3-6, et Candide il faisait des 1080, donc c'était un super souvenir. C'est un peu l'élève à suivre du coup pour progresser, c'était un bon élément dans l'équipe. Ouais, Catan il avait du mal à le tenir un peu, hein. Ah, ben, je crois que j'avais du mal à tenir un peu tout le groupe, hein, en même temps. qui allait quand même pas mal. Et du coup, Fabien, j'avais une question, une dernière question. Est-ce que tu as une anecdote un peu de Pierre-Antoine, une anecdote insolite, qu'est-ce qu'il faisait? Tu m'as dit que c'était un assez bon élève, qui était assez rigoureux, mais est-ce qu'il a déjà fait une petite bêtise? Alors, des bêtises, j'ai envie de dire, il y en a tellement eu, et en groupe, du coup, j'avais du mal un peu à identifier quels étaient les coupables. Mais sinon, Pierre-Antoine, si j'ai un truc à dire, c'est que à l'époque, il avait ses parents travaillaient beaucoup, il avait pas beaucoup de disponibilité pour le monter au ski, et donc souvent, moi, j'habitais pas bien loin de chez lui, donc je le récupérais le matin, je le redescendais le soir, et c'est vrai que ça lui mettait un emploi du temps quand même assez chargé du fait que moi je partais tôt le matin, je rentrais tard le soir, fallait qu'il attende avec moi le soir quand j'ai fini. Il fallait en vouloir. On a passé pas mal de temps dans la voiture en descendant ensemble. C'était sympa. Des bons souvenirs en tout cas. Ouais, on est bien d'accord. Mais écoute, Fabien, merci beaucoup en tout cas d'avoir pris ton temps pour venir ici au téléphone pour le studio Col de France. En tout cas, je te remercie énormément de t'être rendu disponible. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci, à bientôt. Catane. Ouais, grave. À plus. Allez. Yes. Bisous. Ciao. Bye bye. Ciao. En tout cas, ouais, super prof. Hein. Je l'adore. Ah là, vous m'avez cueilli. Honnêtement, franchement, ça me fait super plaisir parce que j'ai pas eu depuis un moment. Et c'est des personnes qui comptent dans la vie comme ça, ça me touche. Merci les gars. Mais écoute, ça me fait plaisir de vous faire plaisir. Ah super. On l'appelait donc ce matin, il était tellement emballé, extrêmement plaisir également de venir à l'antenne. Eh ben écoute, on s'est rappelé un bon souvenir du coup avec Pierre-Antoine. Et donc moi je trouve que comme je sais bien parler anglais, Miss You de Oliver Tree avec Rebel Shoes, c'est parfait, ça tombe au bon moment. On est sur Studek Web, la semaine des invités, on continue toute l'après-midi, il est jeudi, 15h42, on reste avec vous dans un instant, on va voir que l'équipe a un incroyable talent, et c'est Pierre-Antoine qui va nous juger. Très bien. écouter la semaine des invités sur Studek Web. Allez, Robin Schulz avec Olivier Tree, Miss You. On se rappelait des bons moments, notamment avec Fabien, donc l'ancien professeur de ski de notre ami Pierre-Antoine. Maintenant, on est amis. J'ai passé le cap. Oui, j'ai pris ce libre arbitre de dire ami. Alors écoute, Fabien, toujours pas. Alors, j'ai Fabien en tête depuis tout à l'heure. Désolé. Qui est Fabien? Pierre-Antoine. Attention. Fabien, l'ancien prof de ski, évidemment. Ah. Pierre-Antoine, tu es présentateur pour l'émission La France a un incroyable talent, la suite sur M6. Alors écoute, j'ai un jeu à proposer à notre équipe. Tu vas être le jury cette fois-ci. Super. Et donc, dès que tu sens que le talent n'est pas un vrai talent, okay, t'as le droit de buzzer. D'accord, j'ai tout un simplement, buzz. Tu lèves la main et okay, le buzz partira tout seul. Très automatiquement, bien, tu verras. Alors, on va commencer par Clémentine. Est-ce que tu as un talent à nous proposer? J'arrive à bien imiter la voix des forains. Ah ouais, j'adore. Putain, vas-y, on y va. Est-ce que vous voulez plus de sensations? Et c'est parti. Ah ouais. Moi j'adore. C'est ah là ouais. C'est un truc. Hein. Là, il y a un truc. Ah ouais. Allez, vitesse maximum, on y va. C'est parti. Il peut pas te mettre de l'écho dans la voix parce que là, s'il te met de l'écho dans la voix, je peux te dire que. Non, il va transpirer un peu aussi. Mais très très beau talent. Il y a le lexique. Super. Merci. Ah ça. Il y a le lexique. On est reparti pour un tour. Ça aussi. On est reparti pour un tour. Allez, bras, les bras, les bras, les bras. Je pars pour un tour gratuit. Je n'ai jamais eu de tour gratuit, c'est dégueulasse. Ouais. Dégueulasse. C'est chiant. Même le coup avec le pompon là aussi. Très très beau talent. Là, je valide. Je vais envoyer ton CV à la prod. Magnifique, Gabriel. Est-ce que toi, tu as un autre talent? Voilà. Gabriel. Ferme les yeux. C'est une imitation très approximative. Oui, alors voilà. Moi, avant tout, je voulais participer à ce match, mais je n'ai pas voulu marquer tous les buts. Allez, je vais y aller moi. Allez bon. On avait précisé. Évidemment, je l'ai reconnu. C'est Didier Deschamps. Voilà, c'est ça. Je m'entraîne depuis 2 ans pour ce moment, et je crois que ça marche. C'est Mbappé. Bah oui. Ouais. Il suffit de se pincer le nez, hein, tout simplement. Ouais, c'est vrai. T'as le droit de buzzer si tu veux. Hein. C'est pas mal. Non, je buzz pas parce qu'il y a quand même la prise de risque. Je dirais. Mais merci beaucoup. C'est propre. Olivier, est-ce que tu vois absolument aucun talent buccal, si on peut dire. Buccal. Attention. Ça, attention. Tu imites un enfant de 3 ans? Ouais, un peu. Une voiture qui a mal démarré, n'importe. Non, mais je suis sûr que t'as un autre talent, c'est pas possible. Pas de cette manière-ci, a priori. Enfin, Oh là là. Alors, baissez les lumières, mesdames, messieurs, et le show va commencer. Alors, ton micro. Aujourd'hui, là. T'as pas de talent, du coup, Olivier? Mais non, c'est ça, le talent. Moi, j'ai un talent, plus juste que je me concentre. Vas-y. Putain, c'est ouf. Oh mon dieu. Ah, le sale talent. Vous avez apprécié ou pas? Bien sûr. Mais c'était trop bien. C'était Pavarotti. On aurait dit Pavarotti. Ouais, c'est un truc de ouf. Tu ressembles trop à ce mec, à un niveau de la voix. Je me suis dit, si je l'imite, il n'y a que les spécialistes de l'opéra qui allaient le reconnaître. Je devrais faire directement une prestation. T'as voulu mettre ta petite touche, quoi. Exactement. Vous êtes tous impressionnants. On peut dire qu'on est tous talentueux. Et venez tous passer le casting. Let's go. Ouais, trop bien. Bon, Pierre-Antoine, on a plus ou moins peint ton portrait là depuis plusieurs minutes. Ils veulent finir. Mais t'inquiète pas, j'y viens, Olivier, ne panique pas. Et donc, on a la partie aussi, l'équipe, la partie La France a un incroyable talent qu'on n'a pas encore abordé. Et je vais laisser Olivier, du coup, nous la présenter. Eh, pourquoi pas. Alors, vous avez l'habitude de tirer le fil au maximum, vous le dites vous-même sur au journal Le Monde à propos du Gorafi. Ensuite, on apprend qu'en tirant sur le fil, et bien visiblement, c'est le sport hein, qui fait son entrée pour d'ailleurs y rester omniprésent jusqu'à aujourd'hui. C'est ce que l'on appelle avoir trouvé son credo, cher Pierre-Antoine, a priori. Et quel credo? Additionnez votre amour indéfectible pour le sport avec une forte appétence pour la mise en scène et un humour aussi incisif qu'il n'est théâtral. Le tout en restant dans les cases du divertissement. C'est ce que l'on nomme sans aucun rond de jambe la recette gagnante selon Dame Cour pour dépeindre quotidiennement le sport. Et c'est Estelle Denis la première à vous avoir fait confiance. Nous sommes en 2016 et vous devenez son directeur artistique, même topo avec Bertrand Chameroy. Le terme sonne d'ailleurs très bien, directeur artistique, l'addition d'un directeur avec l'artistique. Mais ça veut dire quoi en fait? C'est très générique sinon. Oh bah c'est que tu gères un peu toutes les parties artistiques de l'émission. Il y a les auteurs qui bossent pour toi et tu dis c'est bien, c'est pas bien, on va faire ça. Donc c'est donner une orientation artistique à une émission. D'accord. Alors en 2017, c'est votre année, Pierre-Antoine, et vous allez le réaliser moins de deux ans plus tard. C'est le début de la fameuse chronique La Petite Lucarne sur l'Équipe TV. C'est votre bébé, un micro-nourrisson en 2017, aujourd'hui devenu aussi dodu que joufflu. Il a les joues bien roses, et tant mieux. Il semble d'ailleurs que Estelle Denis, animatrice pour RMC, tienne un rôle à part dans votre collaboration avec la chaîne L'Équipe, est-ce vrai ? Bien sûr, c'est elle qui m'a dit que, propose un truc, t'as envie de faire de l'antenne, vas-y, lâche-toi, viens, fais une chronique. Ça, c'était en l'été 2018. Et donc, j'ai commencé en septembre 2018 avec ma première chronique. Donc, grâce à Estelle qui était aux manettes de l'équipe d'Estelle. Ouais. Et ce qui est certain, c'est que le format va vite faire une combinaison pérenne, a priori, hein, jusqu'à aujourd'hui. Des sketchs humoristiques réalisés avec vous, bien sûr, mais pas que. Citons vos précieux soutiens sur la chaîne L'Équipe. Les auteurs Béric Pierre-Louis et Benjamin Vergueris. Hein, vous pouvez nous en dire un mot. Aussi, le monteur Kevin Juvin. Kevin, ouais. Benjamin, je l'ai rencontré à Touche pas à mon poste il y a 8 ans. Ensuite, on a bossé au Gorafi ensemble et Béric, pareil, je l'ai croisé à H2O Productions et je lui ai proposé de venir avec moi. Et Kevin, c'est le magicien qui en deux heures arrive à monter des trucs incroyables parce que c'est vrai qu'on a une journée. On passe vite, ouais. Ouais, là, il faut que je reparte parce que j'ai la chronique à préparer pour ce soir. J'ai un sketch à monter, à tourner même qu'on n'a pas tourné. Donc ouais, c'est des journées assez sport. Donc c'est bien d'être bien c'est soutenu sport, et bien épaulé. Ouais. Et ils assurent et du coup tous les quatre, on arrive à faire un bon boulot. Et cela se passe donc, on le dit, du lundi au jeudi à 19h10, sur grosso modo 10 minutes sur l'antenne de Grégory Hacher. Des replays de captation sportive sont présentés et soulignés par vos mises en scène sous forme de sketch. Et votre chronique, elle m'épate, oui, car outre que de démontrer votre amour du sport, on l'a dit, elle permet de véhiculer des messages forts, comme celle du climat social ou encore tous les contresens de l'actualité globale, comme celle véhiculée par l'écologie au Qatar. Moi qui n'ai aucune appétence pour le foot, par exemple, Pierre-Antoine, j'ai aimé vous regarder parler de votre mise sur le marché de votre rein ou sur la vente de votre enfant pour pouvoir vous offrir une place pour les prochains JO de Paris 2024. C'est fort en supposition. Et que pensez de vous en médecin complètement balafré du visage par un Nasser mécontent des 3 semaines de repos prescrits pour Mbappé? C'est aussi drôle que vos vidéos semblent engagées. Est-ce que c'est l'un des secrets des succès? Oui, je pense qu'en plus les gens aiment bien rire, mais s'il y a un petit message derrière qui tacle un peu les puissants et tout ça, c'est toujours mieux. Ok. Et vos sketchs vont loin, très loin parfois. Tellement loin, tellement crédible que même votre propre rédaction, elle s'y perd. Je parle bien sûr de vous déguiser en Ludovic, fan de Benzema. Bien sûr. Rappelle forcément. Oui, incroyable. Dans cette vidéo, vous parodiez un fan attendant son idole au sortir de Clairefontaine. Vous jouez tellement bien l'aficionados, que tout le monde y croit. Alors quel était le message caché de cette chronique ? Il n'y en avait pas, c'était juste accueillir Karim Benzema qui revenait à Fontainebleau, à Clairefontaine, pardon, et y a des photographes qui ont cru que j'étais un vrai supporter, et c'est parti, ça a fait le tour du monde, donc c'est trop bien. Mais comment t'as vécu cette cette mission ? J'étais dans la voiture, je rentrais de Clairefontaine, on venait de faire le sketch, et là je reçois des notifications avec ma pancarte « Welcome Benzema ». Et je vois des trucs, des gars genre CNN Mexico, Los Angeles, et en fait quand ils mettent sur le serveur AFP Monde, tout le monde se pioche dedans et tout le monde a pris cette photo en mode Benzema accueilli par un fan. Et donc, c'est cool. Magnifique. En fait, ça te dépasse toi-même. Et après, voilà, j'ai fait les plateaux de télé. Comme quoi, finalement, ça tient à pas grand-chose et à la fois, c'est compliqué. Ouais, c'est compliqué. Quand on veut faire un buzz, on n'y arrive pas. Mais quand le buzz se fait malgré vous, c'est toujours mieux. Et donc, justement, l'humour, hein, on le dit, c'est quelque chose de très sérieux, finalement. Et l'aventure de la petite lucarne, elle continue donc depuis 2021 aux côtés de Greg Archer, où vos passages quotidiens sont autant de défis qu'ils sont générateurs de contenu et de plaisir. Dans la casquette d'animateur, on le rappelle, donc c'est la France à un incroyable talent qui vous voit performer sur M6. Et donc, permettez-moi de vous dire que c'est le Studec qui reçoit aujourd'hui un grand talent. Et merci Pierre-Antoine de nous conforter par votre simplicité, mais surtout votre parcours, que nous aussi, nous trouverons peut-être notre place dans le secteur. Bah j'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, en tout cas Pierre-Antoine. Moi j'avais une question. Vas-y. D'où vient le nom La Petite Lucarne ? Ouais, je cherchais un nom et j'ai galéré. Et puis un soir d'août, avant que la chronique démarre, j'ai regardé Le Dîner de Cons. Et je vois Jacques Villeray dire, vous savez cette scène où il dit... c'est pour le cinéma, hein, pas pour la petite lucarne. Et il dit ça dans le film. Et du coup, je dis, mais c'est super, la lucarne, le foot, la petite lucarne, la télé. Donc, on est parti sur la petite lucarne. Magnifique. Voilà. Quel beau titre. Et écoute, on va se quitter sur ça. Merci en tout cas de ton intervention, de ta venue. Merci. J'espère que t'as passé un bon moment. Merci pour l'invitation. Tu reviendras l'année prochaine. Quand vous voulez. Avec grand plaisir. Avec plaisir. Eh ben écoute, Olivier nous l'a dit ce soir, la rendez-vous sur l'équipe, c'est ça? Ouais, 19h10. Ah, et voilà, et vous continuez à bosser et à faire des rencontres, parce que c'est le plus important, les rencontres, le travail. Et je vous souhaite d'arriver à accomplir vos rêves dans ces métiers qui sont pas évidents, mais quand on veut, on peut, voilà. Et ben le secret, c'est quoi? C'est être déterminé? C'est de coucher. De coucher, ok. Bien sûr, on va sur ça. Non, avec Capote, évidemment, on rappelle que l'usage des préservatifs est maintenant gratuit. Hein. Ça, c'est cool. Et ça, c'est très important. Pour les moins de 26 ans, attention. Hein. Oui, excuse-moi, ah bah, c'est pas pareil. Hein. Ça y est, ça dérape. Rendez l'antenne, ça dérape. Lui, il est pas content, ça. C'est le bordel, ça parle Capote. Olivier, t'inquiète pas, ton message, il est passé. J'espère qu'en tout cas, le gouvernement en prendra note. Les amis, en tout cas, merci. Merci pour cette super émission. On laisse, en tout cas, la main. La semaine des invités continue. Vous êtes sur Studek Web.